Si nous avions joué pour jouer, si nous avions le temps joué n'aurait pas dû jouer, intervenir. Le temps n'aurait pas dans dû le jeu, intervenir. Pour le jeu, dans le jeu, temps n'intervient jeu, pas. Le temps n'intervient pas. Mais comme nous avons joué une réalité, mais comme nous avons le temps joué qui lui appartenait, le temps lui qui aussi lui appartenait jouer. Fut lui aussi si joué. Nous avions joué pour jouer. Il n'y aurait eu que le temps des spectateurs. Il n'y aurait que le temps des spectateurs.